naturel. Il me semble le temps qui nous reste on doit pas se priver de la vie. Actuel, actuel, on se dit pourquoi. Actuel, actuel, on supprime de tout. Actuel, actuel, la rivière, la mer, la campagne, le soleil, les bains de nuit. Profitons de la vie, profitons de tout, tout de suite.